Psaume 107, Vulgate 106. Célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde est éternelle. Qu'ainsi disent les rachetés du Seigneur, ceux qu'il a rachetés des mains de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, dans un chemin solitaire, sans trouver une ville à habiter. En proie à la faim, à la soif, ils sentaient leur âme défaillir. Dans leur détresse, ils crièrent vers le Seigneur, et il les délivra de leurs angoisses. Il les mena par le droit chemin, pour les faire arriver à une ville habitable. Qu'ils louent le Seigneur pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Car il a désaltéré l'âme altérée et comblé de bien l'âme affamée. Ils habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers dans la souffrance et dans les fers. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les oracles du Dieu et qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils s'affaissèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent vers le Seigneur, et il les sauva de leurs angoisses. Il les tira des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il brisa leurs chaînes. Qu'ils louent le Seigneur pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain et mis en pièces les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite criminelle et par leurs iniquités, ils avaient attiré sur eux la souffrance. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent vers le Seigneur et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole et il les guérit et il les fit échapper de leur tombeau. Qu'ils louent le Seigneur pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ils étaient descendus sur la mer dans des navires pour faire le négoce sur les vastes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit se lever un vent de tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient jusqu'aux cieux. Ils descendaient dans les abîmes, leur âme défaillait dans la peine. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur sagesse était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent vers le Seigneur, et il les tira de leurs angoisses. Il changea l'ouragan en brise légère, et les vagues de la mer se turent. Ils se réjouirent en les voyant apaisés, et le Seigneur les conduisit au port désiré. Qu'ils louent le Seigneur pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans le conseil des anciens. Il a changé les fleuves en désert et les sources d'eau en sol aride. Le pays fertile en plaine de sel à cause de la méchanceté de ses habitants. Il a fait du désert un bassin d'eau et de la terre aride un sol plein de sources. Il y établit les affamés et ils fondèrent une ville pour l'habiter. Ils ensemencèrent des champs et ils y plantèrent des vignes et ils recueillirent d'abondantes récoltes. Il les bénit et ils se multiplièrent beaucoup et il ne laissa pas diminuer leurs troupeaux. Ils avaient été réduits à un petit nombre et humiliés sous l'accablement du malheur et de la souffrance. Il avait répandu la honte sur leurs princes, il les avait fait errer dans des déserts sans chemin, mais il a relevé le malheureux de la misère, et il a rendu les familles pareilles à des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, et tous les méchants ferment la bouche, que celui qui est sage prenne garde à ces choses, et qu'il comprenne les bontés du Seigneur. Psaume 108, Vulgate 107. Cantique Psaume de David. Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai et ferai retentir de joyeux instruments. Debout ma gloire, éveillez-vous ma lyre et ma harpe, que j'éveille l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi au-dessus des cieux, ô Dieu, que ta gloire brille sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-moi. Dieu a parlé dans sa sainteté, je tressaillirai de joie. J'aurai Sichem en partage, je mesurerai la vallée de Succoth. Galaad est à moi Manassé, Éphraïm est l'armure de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, sur Édom je jette ma sandale. Sur la terre des Philistins, je pousse des cris de joie. Qui me mènera à la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais rejetés, ô Dieu qui ne sortait plus avec nos armées? Prête-nous ton secours contre l'oppresseur. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 109, Vulgate 108, au maître de chant, psaume de David. Dieu de ma louange, ne garde pas le silence, car la bouche du méchant, la bouche du perfide, s'ouvre contre moi. Il parle contre moi avec une langue de mensonge. Il m'assiège de paroles haineuses, et ils me font la guerre sans motif. En retour de mon affection, ils me combattent, et moi je ne fais que prier. Ils me rendent le mal pour le bien, et la haine pour l'amour. Mets-le au pouvoir d'un méchant, et que l'accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il sorte coupable, et que sa prière soit réputée péché, que ses jours soient abrégés, et qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins, que son épouse soit veuve, que ses enfants soient vagabonds et mendiants, cherchant leur pain loin de leur maison en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, et que les étrangers pillent ce qu'il a gagné par son travail. Qu'il n'ait personne qui lui garde son affection, que nul n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient voués à la ruine, et que leur nom soit effacé à la seconde génération. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant le Seigneur, et que la faute de leur mère ne soit point effacée. Qu'elle soit toujours devant le Seigneur, et qu'il retranche de la terre leur mémoire. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, et l'homme au cœur brisé pour le faire mourir. Il aimait la malédiction, elle tombe sur lui. Il dédaignait la bénédiction, elle s'éloigne de lui. Il s'est revêtu de la malédiction comme d'un vêtement, comme l'eau, elle entre au-dedans de lui, et comme l'huile, elle pénètre dans ses os. Qu'elle soit pour lui le vêtement qui l'enveloppe, la ceinture qui ne cesse de l'entourer. Telle soit de la part du Seigneur le salaire de mes adversaires et de ceux qui parlent méchamment contre moi. Et toi, Seigneur l'Éternel, prends ma défense à cause de ton nom. Dans ta grande bonté, délivre-moi, car je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis emporté comme la sauterelle. À force de jeûne, mes genoux chancellent, et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un sujet d'opprobre, ils me regardent et branlent de la tête. Secours-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi dans ta bonté. Qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Seigneur, qui l'a fait. Eux, ils maudissent, mais toi, tu béniras. Ils se lèvent, mais ils seront confondus, et ton serviteur sera dans la joie. Mes adversaires seront revêtus d'ignominie, ils seront enveloppés de leur honte comme d'un manteau. Mes lèvres loueront hautement le Seigneur, je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre, pour le sauver de ceux qui le condamnent. Psaume 110, Vulgate 109. Psaume de David. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Le Seigneur étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Règne en maître au milieu de tes ennemis. Ton peuple accourt à toi au jour où tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore vient à toi la rosée de tes jeunes guerriers. Le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à droite, il brisera les rois au jour de sa colère. Il exerce son jugement parmi les nations, tout est rempli de cadavres. Il brise les têtes de la terre entière. Il boit au torrent sur le chemin, c'est pourquoi il relève la tête. Psaume 111, Vulgate 110. Alléluia! Je veux louer le Seigneur de tout mon cœur, dans la réunion des justes et dans l'assemblée. Grandes sont les œuvres du Seigneur, recherchées pour toutes les délices qu'elle procure. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé un souvenir de ses merveilles. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Il a donné une nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient pour toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont vérité et justice. Tous ses commandements sont immuables, affermis pour l'éternité, faits selon la vérité et la droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ceux-là sont vraiment intelligents qui observent sa loi. Sa louange demeure à jamais. Psaume 112, Vulgate 111. Alléluia. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui met toute sa joie à observer ses préceptes. Sa postérité sera puissante sur la terre. La race des justes sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. En justice, il fait prévaloir sa cause. Car il ne sera jamais ébranlé, le juste laissera une mémoire éternelle. Il ne craint pas les funestes nouvelles, son cœur est ferme, confiant dans le Seigneur. Son cœur est inébranlable, il ne craint pas, jusqu'à ce qu'il voie ses ennemis abattus. Il sème l'aumône, il donne à l'indigent, sa justice subsiste à jamais, sa corne s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et l'envie le consume. Le désir des méchants périra. Psaume 113, Vulgate 112. Alléluia, louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, louez soit le nom du Seigneur. Le Seigneur est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il siège dans les hauteurs, et il regarde en bas, dans les cieux et sur la terre. Il relève le malheureux de la poussière, il retire le pauvre du fumier, pour les faire asseoir avec les princes de son peuple. Il donne une demeure à la stérile de la maison. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Alléluia. Psaume 114, Vulgate 113. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes bondirent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour bondir comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble, ô terre, devant la face du Seigneur, devant la face du Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Psaume 115, Vulgate 113. Non, pas à nous, Seigneur, non, pas à nous, mais à ton nom donne la gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est dans le ciel, tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont des narines et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, elles ont des pieds et ne marchent point. De leur gosier, elles ne font entendre aucun son. Qu'ils leur ressemblent, ceux qui les font, et quiconque se confie à elles. Israël, mets ta confiance dans le Seigneur, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, mets ta confiance dans le Seigneur, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez le Seigneur, mettez votre confiance dans le Seigneur, il est leur secours et leur bouclier. Le Seigneur s'est souvenu de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent le Seigneur, les petits avec les grands. Que le Seigneur multiplie sur vous ses faveurs, sur vous et sur vos enfants. Soyez bénis du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux du Seigneur, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur, ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais nous, nous bénirons le Seigneur dès maintenant et à jamais. Alléluia. Psaume 116, Vulgate 114 et 115. Je l'aime, car le Seigneur entend ma voix, mes supplications, car il a incliné vers moi son oreille, et toute ma vie je l'invoquerai. Les liens de la mort m'entouraient, et les angoisses du Shéol m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à l'affliction, et j'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, sauve mon âme. Le Seigneur est miséricordieux et juste, notre Dieu est compatissant. Le Seigneur garde les faibles, j'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car le Seigneur te comble de bien. Oui, tu as sauvé mon âme de la mort, mon œil des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai encore devant le Seigneur, dans la terre des vivants. J'ai confiance alors même que je dis, je suis malheureux à l'excès. Je disais dans mon abattement, tout homme est menteur. Que rendrai-je au Seigneur pour tous ses bienfaits à mon égard? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux du Seigneur la mort de ses fidèles. Ah Seigneur, parce que je suis ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom du Seigneur. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison du Seigneur, dans ton enceinte Jérusalem. Alléluia. Psaume 117, Vulgate 116. Nations, louez toutes le Seigneur. Peuple, célébrez-le tous, car sa bonté pour nous est grande, et la vérité du Seigneur subsiste à jamais. Alléluia. Psaume 118, Vulgate 117. Célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde est éternelle. Qu'Israël dise, oui, sa miséricorde est éternelle. Que la maison d'Aaron dise, oui, sa miséricorde est éternelle. Que ceux qui craignent le Seigneur disent, oui, sa miséricorde est éternelle. Du sein de ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur. Le Seigneur m'a exaucé et m'a mis au large. Le Seigneur est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Le Seigneur est pour moi parmi ceux qui me secourent. Je verrai la ruine de ceux qui me haïssent. Mieux vaut chercher un refuge dans le Seigneur que de se confier aux hommes. Mieux vaut chercher un refuge dans le Seigneur que de se confier aux princes. Toutes les nations m'environnaient. Au nom du Seigneur, je les taille en pièces. Elles m'environnaient et m'enveloppaient. Au nom du Seigneur, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignaient comme un feu d'épine. Au nom du Seigneur, je les taille en pièces. Tu me poussais violemment pour me faire tomber, mais le Seigneur m'a secouru. Le Seigneur est ma force et l'objet de mes chants. Il a été mon salut. Des cris de triomphe et de délivrance retentissent dans les tentes des justes. La droite du Seigneur a déployé sa force. La droite du Seigneur est élevée. La droite du Seigneur a déployé sa force. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres du Seigneur. Le Seigneur m'a durement châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, afin que j'entre et que je loue le Seigneur. C'est la porte du Seigneur, les justes peuvent y entrer. Je te célébrerai parce que tu m'as exaucé et que tu as été mon salut. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est une chose merveilleuse à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait. Livrons-nous à l'allégresse et à la joie. Ô Seigneur, donne le salut. Ô Seigneur, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Le Seigneur est Dieu, il fait briller sur nous la lumière. Attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te célébrerai, mon Dieu et je t'exalterai. Célébrez le Seigneur car il est bon, car sa miséricorde est éternelle. Psaume 119, Vulgate 118. Heureux ceux qui sont irréprochables dans leur voie, qui marchent selon la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses enseignements, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent pas l'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes voies être dirigées pour que j'observe tes lois. Alors je n'aurai point à rougir à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les préceptes de ta justice. Je veux garder tes lois, ne me délaisse pas complètement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se gardant selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas errer loin de tes commandements. Je garde ta parole cachée dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Seigneur. Enseigne-moi tes lois. De mes lèvres, j'énumère tous les préceptes de ta bouche. J'ai de la joie à suivre tes enseignements, comme si je possédais tous les trésors. Je veux méditer tes ordonnances, avoir les yeux sur tes sentiers. Je fais mes délices de tes lois, je n'oublierai pas ta parole. Use de bonté envers ton serviteur afin que je vive et j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes préceptes. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. Éloigne de moi la honte et le mépris, car j'observe tes enseignements. Que les princes siègent et parlent contre moi. Ton serviteur méditera tes lois. Oui, tes enseignements font mes délices. Ce sont les hommes de mon conseil. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je t'ai exposé mes voies et tu m'as répondu. Enseigne-moi tes lois. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme attristée se fond en larmes. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la faveur de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je place tes préceptes sous mes yeux. Je me suis attaché à tes enseignements. Seigneur, ne permets pas que je sois confondu. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Seigneur, la voie de tes préceptes, afin que je la garde jusqu'à la fin de ma vie. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car j'y trouve le bonheur. Incline mon cœur vers tes enseignements et non vers le gain. Détourne mes yeux pour qu'ils ne voient point la vanité. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse que tu as faite à ceux qui te craignent. Écarte de moi l'opprobre que je redoute, car tes préceptes sont bons. Je désire ardemment pratiquer tes ordonnances. Par ta justice, fais-moi vivre. Que vienne sur moi ta miséricorde, Seigneur, et ton salut selon ta parole, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de vérité, car j'espère en tes préceptes. Je veux garder ta loi constamment, toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes enseignements devant les rois, et je n'aurai point de honte. Je ferai mes délices de tes commandements, car je les aime. J'élèverai mes mains vers tes commandements que j'aime, et je méditerai tes lois. Souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur, sur laquelle tu fais reposer mon espérance. C'est ma consolation dans la misère, que ta parole me rend de la vie. Des orgueilleux me prodiguent leur raillerie, je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes préceptes des temps passés, Seigneur, et je me console. L'indignation me saisit à cause des méchants qui abandonnent ta loi. Tes lois sont le sujet de mes cantiques, dans le lieu de mon pèlerinage. La nuit, je me rappelle ton nom, Seigneur, et j'observe ta loi. Voici la part qui m'est donnée, je garde tes ordonnances. Ma part, Seigneur, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta parole. Je réfléchis à mes voies et je ramène mes pas vers tes enseignements. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent et je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre est pleine de ta bonté, Seigneur. Enseigne-moi tes lois. Tu as usé de bonté envers ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Enseigne-moi le sens droit et l'intelligence, car j'ai foi en tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes lois. Des orgueilleux imaginent contre moi des mensonges. Moi, je garde de tout cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'avoir été humilié, afin que j'apprenne tes préceptes. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que des monceaux d'or et d'argent. Ce sont tes mains qui m'ont fait et qui m'ont façonné. Donne-moi l'intelligence pour apprendre tes commandements. Ceux qui te craignent, en me voyant, se réjouiront, car j'ai confiance en ta parole. Je sais, Seigneur, que tes jugements sont justes. C'est dans ta fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, selon ta parole donnée à ton serviteur. Que ta compassion vienne sur moi et que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui me maltraitent injustement. Moi, je médite tes ordonnances. Qu'ils se tournent vers moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes enseignements. Que mon cœur soit tout entier à tes lois, afin que je ne sois pas confondu. Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta parole. Mes yeux languissent après ta promesse, je dis quand me consoleras-tu ? Car je suis comme une outre exposée à la fumée, mais je n'oublie pas tes lois. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand donc feras-tu justice de ceux qui me poursuivent? Des orgueilleux creusent des fosses pour me perdre, ils sont les adversaires de ta loi. Tous tes commandements sont fidélité, ils me persécutent sans cause, secours-moi. Ils ont failli m'anéantir dans le pays, et moi je n'abandonne pas tes ordonnances. Rends-moi la vie dans ta bonté, et j'observerai l'enseignement de ta bouche. À jamais, Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. D'âge en âge, ta fidélité demeure. Tu as fondé la terre et elle subsiste. C'est d'après tes lois que tout subsiste jusqu'à ce jour, car tout obéit à tes ordres. Si ta loi ne faisait mes délices, déjà j'aurais péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elle que tu m'as rendu la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes préceptes. Les méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes enseignements. J'ai vu des bornes à tout ce qui est parfait. Ton commandement n'a point de limite. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Par tes commandements, tu me rends plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus sage que tous mes maîtres, car tes enseignements sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout sentier mauvais, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes préceptes, car c'est toi qui m'as instruit. Que ta parole est douce à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais tous les sentiers du mensonge. Ta parole est un flambeau devant mes pas, une lumière sur mon sentier. J'ai juré, et j'y serai fidèle, d'observer les préceptes de ta justice. Je suis réduit à une extrême affliction. Seigneur, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, Seigneur, l'offrande de mes lèvres, et enseigne-moi tes préceptes. Ma vie est continuellement dans mes mains, et je n'oublie point ta loi. Les méchants me tendent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. J'ai tes enseignements pour toujours en héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'ai incliné mon cœur à observer tes lois, toujours jusqu'à la fin. Je hais les hommes au cœur double, et j'aime ta loi. Tu es mon refuge et mon bouclier. J'ai confiance en ta parole. Retirez-vous de moi, méchant, et j'observerai les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse afin que je vive, et ne permets pas que je sois confondu dans mon espérance. Sois mon appui, et je serai sauvé, et j'aurai toujours tes lois sous les yeux. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes lois, car leur ruse n'est que mensonge. Tu rejettes comme des scories tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes enseignements. Ma chair frissonne de frayeur devant toi, et je redoute tes jugements. J'observe le droit et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. prends sous ta garantie le bien de ton serviteur, et que les orgueilleux ne m'oppriment pas. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté, et enseigne-moi tes lois. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes enseignements. Il est temps pour le Seigneur d'intervenir, il viole ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'orfin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais tout sentier de mensonge. Tes enseignements sont merveilleux, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles illumine, elle donne l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et j'aspire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, c'est justice envers ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, et je garderai tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur, et enseigne-moi tes lois. Mes yeux répandent des torrents de larmes, parce qu'on n'observe pas ta loi. Tu es juste, Seigneur, et tes jugements sont équitables. Tu as donné tes enseignements selon la justice et une parfaite fidélité. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, mais je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est vérité. La détresse et l'angoisse m'ont atteint. Tes commandements font mes délices. Tes enseignements sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Seigneur, afin que je garde tes lois. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes enseignements. Je devance l'aurore et je crie vers toi. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent l'éveil de la nuit pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté, Seigneur. Rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, qui se sont éloignés de ta loi. Tu es proche, Seigneur, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais, au sujet de tes enseignements, que tu les as établis pour toujours. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause et sois mon vengeur. Rends-moi la vie selon ta parole. Le salut est loin des méchants, car ils ne s'inquiètent pas de tes lois. Tes miséricordes sont nombreuses, Seigneur. Rends-moi la vie selon tes jugements. Nombreux sont mes persécuteurs et mes ennemis. Je ne m'écarte point de tes enseignements. À la vue des infidèles, j'ai ressenti de l'horreur, parce qu'ils n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances, Seigneur. Rends-moi la vie selon ta bonté. Le résumé de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause, c'est de tes paroles que mon cœur a de la crainte. Je me réjouis de ta parole, comme si j'avais trouvé de riches dépouilles. Je hais le mensonge, je l'ai en horreur, j'aime ta loi. Cette fois le jour je te loue, à cause des lois de ta justice. Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne leur est une cause de chute. J'espère en ton salut, Seigneur, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes enseignements, et elle en est éprise. Je garde tes ordonnances et tes enseignements, car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri arrive jusqu'à toi, Seigneur. Selon ta parole, donne-moi l'intelligence. Que ma supplication parvienne jusqu'à toi. Selon ta parole, délivre-moi. Que mes lèvres profèrent ta louange, car tu m'as enseigné tes lois. Que ma langue publie ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main s'étende pour me secourir, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, Seigneur, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive pour te louer, et que tes jugements me viennent en aide. Je suis errant comme une brebis égarée. Cherche ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. Psaume 120, Vulgate 119, Cantique des montées. Vers le Seigneur, dans ma détresse, j'ai crié, et il m'a exaucé. Seigneur, délivre mon âme de la lèvre de mensonge, de la langue astucieuse. Que te sera-t-il donné? Quel sera ton profit, langue perfide? Les flèches aiguës du Tout-Puissant, avec les charbons ardents du genêt? Malheureux que je suis de séjourner dans mes secs, d'habiter sous les tentes de Cédar. Trop longtemps j'ai demeuré avec ceux qui haïssent la paix. Je suis un homme de paix, et quand je leur parle, ils sont pour la guerre. Psaume 121, Vulgate 120. Cantique pour les montées. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied trébuche. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Non, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur est ton abri, toujours à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, maintenant et à jamais. Psaume 122, Vulgate 121. Cantique des montées de David. J'ai été dans la joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur. Enfin, nos pieds s'arrêtent à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville où tout se tient ensemble. Là montent les tribus du Seigneur. Selon la loi d'Israël, pour louer le nom du Seigneur. Là sont établis des sièges pour le jugement, les sièges de la maison de David. Faites des vœux pour Jérusalem, qu'ils soient heureux ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, la prospérité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je demande pour toi la paix. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je désire pour toi le bonheur. Psaume 123, Vulgate 122, Cantique des montées. J'élève mes yeux vers toi, ô toi qui sièges dans les cieux. Comme l'œil du serviteur est fixé sur la main de son maître, et l'œil de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux sont fixés sur le Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Car nous n'avons été que trop rassasiés d'opprobre. Notre âme n'a été que trop rassasiée de la moquerie des superbes, du mépris des orgueilleux. Psaume 124, Vulgate 123. Cantique des montées de David. Si le Seigneur n'eût été pour nous, qu'Israël le proclame, si le Seigneur n'eût été pour nous, quand les hommes se sont élevés contre nous, il nous aurait dévorés tout vivants. Quand leur colère s'est allumée contre nous, les eaux nous auraient engloutis, le torrent eût passé sur notre âme auraient passé les eaux impétueuses. Béni soit le Seigneur qui ne nous a pas livrés à leurs dents. Notre âme, comme le passereau, s'est échappée du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous avons été délivrés. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Psaume 125, Vulgate 124, Cantique des montées. Ceux qui se confient dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est établie pour toujours. Jérusalem a autour d'elle une ceinture de montagnes. Ainsi le Seigneur entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Le sceptre des méchants ne restera pas sur l'héritage des justes, afin que les justes ne portent pas aussi leurs mains vers l'iniquité. Seigneur, répands tes bontés sur les bons et sur ceux qui ont le cœur droit, mais sur ceux qui se détournent en des voies tortueuses, que le Seigneur les abandonne avec ceux qui font le mal. Paix sur Israël. Psaume 126, Vulgate 125. Cantique des montées. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, ce fut pour nous comme un songe. Alors notre bouche fit entendre des cris joyeux, notre langue des chants d'allégresse. Alors on répéta parmi les nations, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Oui, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Seigneur, ramène nos captifs, comme tu fais couler les torrents dans le Néguèb. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse. Ils vont en pleurant, portant et jetant la semence. Ils reviendront avec des cris de joie, portant les gerbes de leur moisson. Psaume 127, Vulgate 126, Cantique des montées de Salomon. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, en vain travaillent ceux qui la bâtissent. Si le Seigneur ne garde pas la cité, en vain la sentinelle veille à ses portes. C'est en vain que vous vous levez avant le jour et que vous retardez votre repos, mangeant le pain de la douleur. Il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. Voici, c'est un héritage du Seigneur que les enfants, une récompense que les fruits d'un sein fécond. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne rougiront pas quand ils répondront aux ennemis à la porte de la ville. Psaume 128, Vulgate 127, Cantique des montées. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui marche dans ses voies. Tu te nourris alors du travail de tes mains. Tu es heureux et comblé de bien. Ton épouse est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils comme de jeunes plants d'olivier autour de ta table. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion. Puisses-tu voir Jérusalem florissante tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir les enfants de tes enfants. Que la paix soit sur Israël. Psaume 129, Vulgate 128, Cantique des montées. Ils m'ont cruellement opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont cruellement opprimé dès ma jeunesse, mais ils n'ont pas prévalu contre moi. Ils ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. Mais le Seigneur est juste, il a coupé les liens des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent en arrière, tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni celui qui lie les gerbes son giron. Et les passants ne disent pas, que la bénédiction du Seigneur soit sur vous. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Psaume 130, Vulgate 129, Cantique des montées. Du fond de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives aux accents de ma prière. Si tu gardes le souvenir de l'iniquité, Seigneur, Seigneur, qui pourra subsister? Mais auprès de toi est le pardon, afin qu'on te révère. J'espère dans le Seigneur, mon âme espère et j'attends sa parole. Mon âme aspire après le Seigneur, plus que les guetteurs n'aspirent après l'aurore. Israël, mets ton espoir dans le Seigneur, car avec le Seigneur est la miséricorde, avec lui une surabondante délivrance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Psaume 131, Vulgate 130, Cantique des montées de David. Seigneur, mon cœur ne s'est pas enflé d'orgueil, et mes regards n'ont pas été hautains. Je ne recherche point les grandes choses, ni ce qui est élevé au-dessus de moi. Non, je tiens mon âme dans le calme et le silence, comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. Comme l'enfant sevré, mon âme est en moi. Israël, mets ton espoir dans le Seigneur, maintenant et toujours. Psaume 132, Vulgate 131, Cantique des montées. Souviens-toi, Seigneur, de David, de toutes ses peines. Il fit ce serment au Seigneur, ce vœu au fort de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je n'accorderai point de sommeil à mes yeux, ni d'assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le fort de Jacob. Voici, entendit-on nous dire, qu'elle est à Éphrata. Nous l'avons trouvée dans les champs de Jahar. Allons au tabernacle du Seigneur, prosternons-nous devant l'escabeau de ses pieds. Lève-toi, Seigneur, viens au lieu de ton repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes prêtres soient revêtus de justice, et que tes fidèles poussent des cris d'allégresse. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton oint. Le Seigneur a juré à David de la vérité, il ne s'en départira pas. C'est du fruit de tes entrailles que je mettrai sur ton trône. Si tes fils gardent mon alliance et les préceptes que je leur enseignerai, leurs fils aussi à tout jamais seront assis sur ton trône. Car le Seigneur a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est le lieu de mon repos pour toujours, j'y habiterai car je l'ai désiré. Je répandrai de riches bénédictions sur sa subsistance, je rassasirai de pain ses pauvres, je revêtirai de salut ses prêtres, et ses fidèles pousseront des cris d'allégresse. Là, je ferai grandir la puissance de David, je préparerai un flambeau à mon oint, je revêtirai de honte ses ennemis, et sur son front resplendira son diadème. Psaume 133, Vulgate 132, Cantique des montées, de David. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, coule sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les sommets de Sion. Car c'est là que le Seigneur a établi la bénédiction, la vie pour toujours. Psaume 134, Vulgate 133. Cantique des montées. Voici donc, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui êtes de service dans la maison du Seigneur pendant les nuits. Levez les mains vers le sanctuaire et bénissez le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Psaume 135, Vulgate 134. Alléluia, louez le nom du Seigneur, louez-le, serviteur du Seigneur. Vous qui êtes de service dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez le Seigneur, car le Seigneur est bon. Chantez son nom sur la harpe, car il est plein de douceur. Car le Seigneur s'est choisi Jacob, il s'est choisi Israël pour en faire son héritage. Oui, je le sais, le Seigneur est grand. Notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans la mer et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs avec la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa jadis les premiers-nés de l'Égypte, depuis l'homme jusqu'à l'animal. Il fit éclater des signes et des prodiges au milieu de toi, ô Égypte, contre Pharaon et tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et fit mourir des rois puissants. Séon, le roi des Amoréens, Og, le roi de Bassan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Seigneur, ton nom subsiste à jamais. Seigneur, ton souvenir dure d'âge en âge. Car le Seigneur fait droit à son peuple, et il a compassion de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas, il n'y a pas même un souffle dans leur bouche. Qu'ils leur ressemblent ceux qui les font, quiconque se confie en elles. Maison d'Israël, bénissez le Seigneur. Maison d'Aaron, bénissez le Seigneur. Maison de Lévi, bénissez le Seigneur. Vous qui craignez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Que de Sion soit béni le Seigneur qui habite Jérusalem. Alléluia. Psaume 136, Vulgate 135. Célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde est éternelle. Célébrez le Dieu des dieux, car sa miséricorde est éternelle. Célébrez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde est éternelle. À celui qui seul opère de grands prodiges, car sa miséricorde est éternelle, qui a fait les cieux avec sagesse, car sa miséricorde est éternelle, qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde est éternelle, qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde est éternelle, le soleil pour dominer sur le jour, car sa miséricorde est éternelle, la lune et les étoiles pour dominer sur la nuit, car sa miséricorde est éternelle. À celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde est éternelle. Il fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde est éternelle. D'une main forte et d'un bras étendu, car sa miséricorde est éternelle. À celui qui divisa en deux la mer rouge, car sa miséricorde est éternelle. Qui fit passer Israël au travers, car sa miséricorde est éternelle, et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde est éternelle. À celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde est éternelle, qui frappa de grands rois, car sa miséricorde est éternelle, et fit périr des rois puissants, car sa miséricorde est éternelle. Séon, roi des Amoréens, car sa miséricorde est éternelle, et Og, roi de Bassan, car sa miséricorde est éternelle, qui donna leur pays en héritage, car sa miséricorde est éternelle, en héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde est éternelle, à celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde est éternelle, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde est éternelle, à celui qui donne à tout ce qui vit la nourriture, car sa miséricorde est éternelle. Célébrez le Dieu des cieux, car sa miséricorde est éternelle. Psaume 137, Vulgate 136. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au saule de ses vallées, nous avions suspendu nos harpes. Car là, ceux qui nous tenaient captifs nous demandaient des hymnes et des cantiques, nos oppresseurs des chants joyeux. Chantez-nous un cantique de Sion. Comment chanterions-nous le cantique du Seigneur sur la terre de l'étranger? Si jamais je t'oublie, Jérusalem, que ma droite oublie de se mouvoir, que ma langue s'attache à mon palais, si je cesse de penser à toi, si je ne mets pas, Jérusalem, au premier rang de mes joies. Souviens-toi, Seigneur, des enfants d'Édom, quand au jour de Jérusalem ils disaient « Détruisez, détruisez-la jusqu'en ses fondements. Fille de Babylone, vouée à la ruine, heureux celui qui te rendra le mal que tu nous as fait. Heureux celui qui saisira et brisera tes petits-enfants contre la pierre. » Psaume 138, Vulgate 137. De David. Je veux te louer de tout mon cœur, te chanter sur la harpe en présence des dieux. Je veux me prosterner dans ton saint temple et célébrer ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité, parce que tu as fait une promesse magnifique au-dessus de toutes les gloires de ton nom. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu as rendu à mon âme la force et le courage. Tous les rois de la terre te loueront, Seigneur, quand ils auront appris les oracles de ta bouche. Ils célébreront les voix du Seigneur, car la gloire du Seigneur est grande. Car le Seigneur est élevé, et il voit les humbles, et il connaît de loin les orgueilleux. Si je marche en pleine détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main pour arrêter la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. Le Seigneur achèvera ce qu'il a fait pour moi. Seigneur, ta bonté est éternelle, n'abandonne pas l'ouvrage de tes mains. Psaume 139, Vulgate 138. Au maître de chant, psaume de David. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je suis assis ou levé. Tu découvres ma pensée de loin. Tu m'observes quand je suis en marche ou couché, et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. En avant et en arrière, tu m'entoures, et tu mets ta main sur moi. Science trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée pour que j'y puisse atteindre. Où aller loin de ton esprit, où fuir loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche dans le Shéol, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux confins de la mer, là encore ta main me conduira et ta droite me saisira. Et je dis, au moins les ténèbres me couvriront et la nuit sera la seule lumière qui m'entoure. Les ténèbres mêmes n'ont pas pour toi d'obscurité. Pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme se plaît à le reconnaître. Ma substance n'était pas cachée devant toi lorsque j'étais formée dans le secret, tissée avec art dans les profondeurs de la terre. Je n'étais qu'un germe informe, et tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux fût encore. Ô Dieu, que tes pensées me semblent ravissantes, que leur nombre en est grand. Si je compte, elles surpassent en nombre les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, ne feras-tu pas périr le méchant, homme de sang? Éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom en vain, eux tes ennemis. Ne dois-je pas, Seigneur, haïr ceux qui te haïssent, avoir en horreur ceux qui s'élèvent contre toi? Oui, je les hais d'une haine complète. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une voie funeste, et conduis-moi dans la voie éternelle. Psaume 140, Vulgate 139. Au maître de chant, psaume de David. Seigneur, délivre-moi de l'homme méchant, préserve-moi des hommes de violence, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur, qui excitent sans cesse la guerre contre moi, qui aiguisent leur langue comme le serpent, et qui ont sous leurs lèvres le venin de l'aspic, c'est là. Seigneur, garde-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes de violence qui méditent de me faire trébucher. Des orgueilleux me dressent un piège et des filets. Ils placent des raies le long de mon sentier. Ils me tendent des embûches, c'est là. Je dis au Seigneur, tu es mon Dieu. Écoute, Seigneur, la voix de mes supplications. Seigneur, l'Éternel, mon puissant Sauveur, tu couvres ma tête au jour du combat. Seigneur, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses desseins, il en serait trop fier, c'est là. Que sur la tête de ceux qui m'assiègent retombe l'iniquité de leurs lèvres, que des charbons ardents soient secoués sur eux, que Dieu les précipite dans le feu, dans les abîmes d'où ils ne se relèvent plus. Non, le calomniateur ne prospérera pas sur la terre, et le malheur poursuivra sans merci l'homme violent. Je sais que le Seigneur fait droit aux misérables et justice aux pauvres. Oui, les justes célébreront ton nom, et les hommes droits habiteront devant ta face. Psaume 141, Vulgate 140. Psaume de David. Seigneur, je t'invoque. Hâte-toi de venir vers moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Seigneur, mets une garde à ma bouche, une sentinelle à la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers des choses mauvaises. Ne l'incline pas à se livrer à des actes de méchanceté avec les hommes qui commettent l'iniquité. Que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me reprenne, c'est un parfum sur ma tête. Ma tête ne le refusera pas, car alors je n'opposerai que ma prière à leur mauvais dessein. mais bientôt leurs chefs seront précipités le long des rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme lorsqu'on laboure et que l'on ameublit la terre, ainsi nos ossements sont semés au bord du Shéol. Car vers toi, Seigneur, l'Éternel, je tourne mes yeux. Auprès de toi, je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Préserve-moi des pièges qu'ils me tendent, des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leurs propres filets et que j'échappe en même temps. Psaume 142, Vulgate 141. Cantique de David lorsqu'il était dans la caverne, prière. De ma voix je crie au Seigneur, de ma voix j'implore le Seigneur. Je répands ma plainte en sa présence, devant lui j'expose ma détresse. Lorsqu'en moi mon esprit défaille, toi tu connais mon sentier. Tu sais que, dans la route où je marche, ils me tendent des pièges. Jette les yeux à ma droite et vois, personne ne me reconnaît. Tout refuge me fait défaut, nul n'a souci de mon âme. Je crie vers toi, Seigneur, je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Prête l'oreille à ma plainte, car je suis malheureux à l'excès. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de cette prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes triompheront avec moi de ce que tu m'auras fait du bien. Psaume 143, Vulgate 142. Psaume de David. Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta vérité et dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun homme vivant n'est juste devant toi. L'ennemi en veut à mon âme, il foule à terre ma vie. Il me relègue dans les lieux ténébreux, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit défaille en moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je pense aux jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends vers toi mes mains et mon âme. Comme une terre desséchée soupire après toi, c'est là. Hâte-toi de m'exaucer, Seigneur, mon esprit défaille. Ne me cache pas ta face. Je deviens semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi de bonheur sentir ta bonté, car c'est en toi que j'espère. Fais-moi connaître la voie où je dois marcher, car c'est vers toi que j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. Je me réfugie auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la voie droite. À cause de ton nom, Seigneur, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous ceux qui m'oppriment, car je suis ton serviteur. Psaume 144, Vulgate 143, de David. Béni soit le Seigneur, mon rocher, qui a dressé mes mains au combat et mes doigts à la guerre. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui range mon peuple sous moi. Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Seigneur, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles s'embrasent. Fais briller les éclairs et disperse les ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite parjure. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes au roi la victoire, qui sauve du glaive meurtrier David ton serviteur, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite parjure. Que nos fils, comme des plants vigoureux, grandissent en leur jeunesse, que nos filles soient comme les colonnes angulaires sculptées à la façon de celles d'un temple. Que nos greniers soient remplis et regorgent de toutes sortes de provisions. Que nos brebis dans nos pâturages se multiplient par milliers et par myriades. Que nos génisses soient fécondes. Qu'il n'y ait dans nos murs ni brèche ni reddition, ni cri d'alarme dans nos places publiques. Heureux le peuple qui jouit de ses biens, heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Psaume 145, Vulgate 144, Chant de louange de David. Je veux t'exalter, mon Dieu, ô roi, et bénir ton nom à jamais et toujours. Je veux chaque jour te bénir et célébrer ton nom, toujours et à jamais. Le Seigneur est grand et digne de toute louange, et sa grandeur est insondable. Chaque âge dira au suivant la louange de tes œuvres, on publiera tes prodiges. Je chanterai l'éclat glorieux de ta majesté et tes œuvres prodigieuses, et l'on parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté, et on célébrera ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Le Seigneur est bon envers tous, et sa miséricorde s'étend sur toutes ses créatures. Toutes tes œuvres te louent, Seigneur, et tes fidèles te bénissent. Ils disent la gloire de ton règne et proclament ta puissance, afin de faire connaître au Fils des hommes ses prodiges et le glorieux éclat de son règne. Ton règne est un règne éternel, et ta domination subsiste dans tous les âges. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous les êtres sont tournés vers toi dans l'attente, et tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies de tes biens tout ce qui respire. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Le Seigneur est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. Le Seigneur garde tous ceux qu'il aime, et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange du Seigneur, et que toute chair bénisse son saint nom, toujours, à jamais. Psaume 146, Vulgate 145. Alléluia, mon âme loue le Seigneur. Toute ma vie, je veux louer le Seigneur. Tant que je serai, je veux chanter mon Dieu. Ne mettez pas votre confiance dans les princes, dans le Fils de l'homme qui ne peut sauver. Son souffle s'en va, il retourne à sa poussière, et ce même jour, ses desseins s'évanouissent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Il garde à jamais sa fidélité. Il rend justice aux opprimés. Il donne la nourriture à ceux qui ont faim. Le Seigneur délivre les captifs. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur relève ceux qui sont courbés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur garde les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il rend tortueuse la voie des méchants. Le Seigneur est roi pour l'éternité, ton Dieu au sillon d'âge en âge. Alléluia. Psaume 147, Vulgate 146 et 147. Alléluia, louez le Seigneur, car il est bon de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les dispersés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, Il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand et sa force est infinie, et son intelligence n'a pas de limite. Le Seigneur vient en aide aux humbles, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez au Seigneur un cantique d'action de grâce, célébrez notre Dieu sur la harpe. Il couvre les cieux de nuages et prépare la pluie pour la terre. Il fait croître l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau qui crient vers lui. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ni dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. Le Seigneur met son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre le Seigneur. Sion, loue ton Dieu, car il a fermé les verrous de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il assure la paix à tes frontières. Il te rassasie de la fleur du froment. Il envoie ses ordres à la terre. Sa parole court avec vitesse. Il fait tomber la neige comme de la laine. Il répand le givre comme de la cendre. Il jette ses glaçons par morceaux. Qui peut tenir devant ses frimas? Il envoie sa parole et ils les font. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. C'est lui qui a révélé sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas fait de même pour toutes les autres nations. Elles ne connaissent pas ses ordonnances. Alléluia. Psaume 148. Alléluia. Louez le Seigneur du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous, ses anges. Louez-le, vous toutes, ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles brillantes. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'ils louent le nom du Seigneur, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à jamais. Il a posé une loi qu'on ne transgressera pas. De la terre louez le Seigneur, monstres marins, et vous tous, océans, feu et grêle, neige et vapeur, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes, et vous toutes, collines, arbres fruitiers, et vous tous, cèdres, animaux sauvages et troupeaux de toutes sortes, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes, et vous tous, juges de la terre, jeunes hommes et jeunes vierges, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom du Seigneur, car son nom seul est grand. Sa gloire est au-dessus du ciel et de la terre. Il a relevé la puissance de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, le peuple qui est près de lui. Alléluia. Psaume 149. Alléluia. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, que sa louange retentisse dans l'assemblée des saints. Qu'Israël se réjouisse en son Créateur, que les fils de Sion tressaillent en leur roi. Qu'ils louent son nom dans leur danse, qu'ils le chantent avec le tambourin et la harpe. Car le Seigneur se complaît dans son peuple, il glorifie les humbles en les sauvant. Les fidèles triomphent dans la gloire, ils tressaillent de joie sur leurs couches. Les louanges de Dieu sont dans leur bouche, et ils ont dans leurs mains un glaive à deux tranchants. Pour exercer la vengeance sur les nations et porter le châtiment chez les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes et leur grand avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux l'arrêt écrit. C'est là la gloire réservée à tous ses fidèles. Alléluia. Psaume 150. Alléluia. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans le séjour de sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le sur la harpe et la cithare, Louez-le dans vos danses avec le tambourin. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales au son clair. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia.